Je pense que c'est moyen quand même. Il est signé avec les cons qu'il y a là. C'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Je suis effondré. Mais bon, faut que je continue. La vie continue. Tout à l'heure, on a eu Polo. Hein, Polo qui nous annonce qu'il va aller à Strasbourg. Donc, no man's land du Berlès, comme on dit là-bas. Alors, après, il nous a dit que le club allemand nous a parlé de Dortmund qui était coté en bourse. Moi, j'y connais rien en géographie, mais c'est pas coté en bourse. En général, c'est coté Schalke. Ça n'a rien à voir avec Hambourg. Mais bon, visiblement, il s'y connaît mieux que moi. Alors, l'autre, il y a le pauvre Fredo qui en a vu dans une émission avec une bombasse. Hein. Je sais pas si Dortmund va jouer le coup à fond, mais lui, je pense qu'il va jouer le coup à fond. Ambiance feutrée. Je sais pas si c'est Dodo Lazemur qui l'a ramené. Elle était pas mal. Hein, si vous regardez ce. Je sais pas s'il lui a fait une manita, là, mais vu son corsage, elle joue pas défense à plat. Hein. Vous avez, c'est pas un 4-4-2. Elle est en 90-90 avec une tactique très offensive. On sent qu'il y a les cartes pour pas être prise dans l'entonnoir, mais bon. Ouais, ce soir c'est scabreux. Ah non, non, bah non, mais moi, attends, excuse-moi, je regarde les images. Quand on parle de Fred, on parle de Fred. Hein, ouais. J'ai pas vu les images. Valence, puis Valdan, ils avaient pas parlé de Valence. T'imagines, ils sont tellement en dette, ils ont tellement de dette Valence que leur meilleur joueur il s'appelle Soldado, il est en solde. Donc pour te dire quoi. Ah bah Fifi. Fifi qui nous apprend tout à l'heure, il nous a parlé de d'un pari, il a gagné grâce à Bruno Chéroux, un pari. Ouais. Il fait pas mal de thunes parce qu'il était à 66 contre 1, le but de Chéroux. Et ben moi, ça m'a rappelé un pari que j'avais fait. Moi, j'avais misé 500 francs sur une fracture de Ginola par Dimeco. Mais la cote était à 1 contre 1. Donc ça valait pas vraiment le coup. J'ai pas gagné grand chose. Hein. Alors, on rigole. Mais avant de continuer de déconner, je voudrais quand même rendre hommage. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais je voudrais rendre hommage à une grande figure du football qui nous a quittés, qui a fait la grandeur du foot et notamment dans les années 80. C'était le style, il était le style à la brésilienne par essence. Il nous a fait rêver et il a succombé à une énième attaque. On le savait condamné, mais ça fait toujours mal. Et oui, le Paris Saint-Germain est mort ce week-end, évidemment. 13 matchs, 33 points, des réserves d'argent inépuisables, une équipe de jeunes en devenir, le meilleur taux d'internation de Français depuis 15 ans, d'entraîneurs encore en place. C'est la crise, c'est la fin. On va tous crever. Est-il encore raisonnable de continuer avec ce club, la compétition, le dépôt de bilan? Enfin bref, il est inévitable. Voilà, je sais pas si ça vaut encore le coup. Arrêtons le massacre pour ce pauvre club. Alors je sais, vous allez me dire, c'est pas à lui qu'on pensait quand t'as parlé de la figure emblématique qui est partie. Oui, vous allez me dire, il y en a un autre auquel on a pensé, un joueur des années 80 qui nous a quitté, et claqué à cet âge-là, c'est moche. Surtout quand c'est claquage de la cuisse. Je parle bien sûr d'André-Pierre Gignac. C'est à lui que vous pensiez, évidemment. Ce pauvre Dédé Gignac, c'est triste. Hein. Alors, oui, non, vous parliez de Socrates, d'accord. Mais moi, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait un rapport entre Socrates et Dédé Gignac. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle entre les deux. Ah, il y a, intéressant. Ouais, non, c'est très dur. C'est très dur. c'est très, très dur. Il y en a un, c'est le docteur, l'autre, c'est le malade, hein, Socrates. Bon, bref, j'ai pas réussi à trouver grand-chose. S'il y en a un qui est mort le 4 décembre. Et un qui est né le 5 décembre. Est-ce que c'est un volcan s'éteint, un mal-être s'éveille? Le 5 c'est décembre, mais le 5 de Gignac, mais ça veut dire que c'est son anniversaire, Dédé Gignac. Non, pas de gâteau, non, pas de gâteau. Stop. Mais non, on avait dit pas de gâteau pour Gignac. Merde, il a tout bouffé. Oh merde, oh le pauvre. Non, c'est moche, ça me fait même pas marrer. Il est blessé, il fait ce qu'il veut. Ouais, mais non, mais il est blessé à l'abdomen, il est blessé au foie, il est blessé partout. Ah, le foie, c'est un point commun avec Socrates, tiens. Le baba au rhum, il y en a, c'est le baba, l'autre c'est le rhum, enfin, il partageait. Non, c'est pas très drôle. Vous avez parlé de. Oui, à propos de ça, je voudrais d'abord parler de l'OM. Si vous voulez aider l'OM pour son recrutement hivernal, un seul numéro, le 36-37. Chaque don est le bienvenu. Vous en avez vu, puisqu'ils ont eu une émission pendant 48 heures sur France Télévisions pour aider l'Olympique Marseille à avoir des nouveaux joueurs. Gilbert! Ouais. Gilbert, tu as félicité tout à l'heure Didier Deschamps pour son niveau en mathématiques. Ouais. Et on pourrait écouter. C'est intéressant. Voilà. Mais excuse-moi, en fait, je t'ai mis en deuxième, j'ai oublié de te faire le frein sur Polo. Est-ce qu'on peut écouter Gilbert? C'est possible ou pas? Ou est-ce que c'est mort? Tu l'as pas? Il a du mal, Paul. Paul avait pas compris que j'avais zappé Polo. D'accord. Tout de suite, un intermède musical. C'est vrai qu'il y avec Micheline Dax. Ça va quand même. C'est bon, ouais. C'est bon. 38 x 4? Entrer dans le top 14 cette 38 semaine. 38 x 4. Donc pour Gilbert, la victoire est à 4 points. Donc Gilbert, toi, t'es très fort en maths. 38 x 4. C'est triste. Hein. Non mais Gilbert, attention. Ça Ah, ah, 38 fois 15. Ah, si, si, bah si, parce que Didier Deschamps. Et comme l'autre avait trouvé super vite 38 fois 3, il a dit juste c'était 38 fois 4. Comme ça, 38 fois 4. T'as rien compris, toi. Bah bien sûr, c'est moi qui ai compris. C'est beau, ça. Mais j'avais oublié. Non, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Gilbert a fait des grandes études. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché. Voilà, donc à peu près, ça donnait à peu près ça, quoi. Non, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié de parler de Polo. J'ai oublié que Sardou avait parlé du bac G. Eh ben aussi. Oui. Aussi. Bah, le bac G, il est mort. A parlé de tout, mais du bac G. Là. Autant l'UEFA est devenu Europa League et le bac G est devenu STT grâce à Sardou, faut le savoir, quoi. Ah ouais. Bon, bref, c'est Gilbert le sait mieux que nous. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié, en parlant de Polo, j'ai oublié que Polo avait inventé un nouveau terme. On connaissait le score fleuve, mais il y a le score piscine, ce qu'on écoute, Polo. Il y a que c'est le but du 3-1, c'est-à-dire que c'est le but qui clore le score. C'est le but qui clore le score, donc le score a été cloré, donc c'est ce qu'on appelle un score piscine. Voilà. C'est intéressant, non mais en même temps, il n'a plus l'habitude de la France, il habite à Strasbourg. Ah, c'est déjà terminé. Eh bien donc, je vous embrasse tous, et juste pour terminer, j'aurais quand même parlé de notre ami, juste pour finir, Charles Bietri. Qui cherchait un nom pour sa nouvelle télé. Alors vous aviez proposé Carnac TV. Je vous rappelle déjà que Arnac TV vient d'être pris par Orange, puisqu'on paye une fortune un abonnement à la con pour un seul match par semaine. Merci, bonsoir.